Dangereux comme un chaotique, l'alarme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien fait vite, illicite, ex-antonne. 9-4 rigolines, un dolce à tous les nuits dragons. Dangereux comme un chaotique, l'alarme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien fait vite, illicite, ex-antonne. 9-4 rigolines, un dolce à tous les nuits dragons. 9-4 son kai, aka Dangerous Sound. Prévu son king, Hakai, Kano versé Ping Pong, Wagon King Kong. Quiconque cause clash sur 2 km, les j'terrasse. J'fais mon taf une fois de plus, la face des ténictas. Viens poitesse, les dégâts faut limiter. Moussa, mec qui déchire, tu peux pas limiter. J'te reconnais que c'est pas de la merde, ouais, c'est que t'as du flair. 9M4, face technique, frère, jamais on flair. De tout par ma caille, se tape pour la plus grosse part de la tarte. C'est pas de la caille, il faut du taf et non pas des tortues, bonne caflas. Même s'il a ragé comme Fabon Mag, les mêmes tordus qui gâtent en temps d'attaque. Yaka ils sont dynamiques, raka ils sont dynamiques. Les équipes se décomposent, ouais, et flip décompose. Gaposeur, gacoseur, avoseur, vladoseur, l'arroseur. Dynam, dynam, qui dira. Rap classique, cuir jean basket. Rap de délinquant, dégradé sur ma casquette. Ni sa maman, si je suis vulgaire et trop pire. Pour le moment, c'est mon flow de gangster que je te bire. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec mon pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9M4 rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9M4 rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. C'est la force technique enfoirée, les faux MC sont pieds caletés. Docus alias Doki, tu bloques 9-4, viens shooter, rajouter. Les sirènes roulent, la pression monte, les cages sont bondées. Ça bouge, arbre bondé. Mon crew, la rafale au fama, sa face à la dalle, crée famine. Dynamé l'écho dans la pastèque, quand ils mêlent, sont vécus à la rime. Racaille son dynamique dans la rue, comme sur scène, bombe le temps. C'est 9-4, c'est ton fichal, c'est mon tandem, c'est Dangerous. Au lance-flamme, j'en brûle trop. Pyromane le patron, mais des réincarnes, mes scènes, musique et védo. Pour l'évasion, en plein micro, en fusion. Un explosif sur session, les cales de flag, au match, frigo, mon 9 mm, c'est pour un V'là la rage en moi, pas de barrage devant moi. Toi tu es pour chez toi, toi tu es pour chez moi. Ouais ouais, croque-moi, toc gore, croque-moi. Alfort, Alfort, Rastat 9-4, Faldor. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9-4, rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9-4, rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. Foulec, M6, si tu me cherches, c'est que t'es fou, mec. Fais la faux moque et laisse-moi sub les faux mecs. J'en veux pas si ma gueule attire ta rate et que je la prenne. Si tu veux me clash, enfoiré, c'est ta fête si mes gars la prennent. Je les dénude, les fous à poil avec leur vulgaire lâche de soile. RDP, ma tapanane, j'abats pour 9-4 balles de mandat. Caillé, pignalon, ça m'a attiré par l'odeur d'un Pascal. Mais tu mets un fécal, le coup, ouais, mais ça, on fait ça. Avertissement, Moussa Wassim, les deux compères. Nique les faux avec eux, pas question qu'on coopère. Personne peut me corrompre et ça, ça fait paniquer. Ça fait une rombe avec une meuf que t'as paniqué. Le punch sort de là, MPC, la face tech donne des MCP, racaille son système, teste ma famille, tu pars suicider. On quitte les bétumes, boum boum, on fait sur béton rédime 9-6, t'es laissé KO technique, 9-8, la façon de chambulsor du ring. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9-4 rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9-4 rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. Neuf un Molster, voici mes Moussa, c'est le calibre. Ouais, ouais. Voilà la dîme, c'est pas Moussa, trop de gars vibre. Je suis à fond, je carbure, ouais, je vais te mettre à la menthe. J'ai tout liqué, t'as vu, pour que tout Paris hors de manche. Ouais. Reine de star élevé au star actif la nuit pour les couches d'implication. Wedding en match, mais t'emmènes ça clique et babla. Inévitable, les diables, ils sont pour l'éternel. Akbar Moudjahi, il nous a beau Direct dans le fion, ta clique, nique, direction la clinique. Survivant, testé ou resté sur le divan. Survivant, 9 mm, 4, le son de Kyle Amdinam. 9 Biggie Met Mat, le son de Ty comme Dylan. Otage une bombe hardcore, tu comprends pas mais ailleurs. Et puis si t'es pas d'accord, connard, va te faire voir ailleurs. Dans ce putain de couplet, avoué, j'vous ai millénaire. Et si Moussa, superstar, dans ce putain de millénaire. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9M4 rigotine, un dolce à tous les nuits dragons. Dangereux comme un chaotique, la larme on s'enronne. Avec ton pas technoclash, juste c'est un ganache qu'on a ses armes. Bien celui de l'illicite, ex-antonne. 9M4 rigotine, un dolce à tous les nuits dragons.